écoute, qu'écoute, faut que je garde le contrôle. Ouais. Tu écoutes, faut que je garde le contrôle. Ouais. Faut que je garde le contrôle, faut pas que je pousse les limites. Non. Peur d'aller trop vite. C'est pas ma faute si des vies sautent comme dans les films. Quand l'oseille fait son cinéma, autant de morts que 5000 en centimes. Pas de ma faute si centimes, la rue percute les intimes. Faut des couilles et des cailloux pour finir seul sur les cimes. Pas de ma faute si l'alcool fait si bien son rôle, s'il tient ses promesses et m'envole dès que je picole. Pas de ma faute si le shit enlève sa culotte et me chuchote de belles paroles. Chut, et là, prends le contrôle. Comme dans les halls, plein de cam au sol, seringue folle. Petite fille court, glisse, tête aiguille qui se frôle. Est-ce ma faute, chaque vie c'est sans limite. Je t'écoute des dynamites, tu mises trop vite. Tombe ta chemise trop vite. Tu rejettes les démises, tout repart plumé. Coco en fixe, tu t'applaudais, mec. Tu pousses les limites. Non, je peux pas mentir, moi aussi je veux m'en sortir. Dois-je pour autant niquer les frères et les aplatir? Voir des gras souillés, gros cigares m'applaudir. M'envoyer des gros juges quand j'aurai visé l'Empire. Non, faut que je garde le contrôle, faut pas que je pousse les limites. Faut que je garde le contrôle, faut pas que je pousse les limites. Si tu nais par le bise, tu meurs par le bise. Quand tu pousses les limites, faut respecter les règles. Ça peut finir à genoux et flingue sur la tempe. Quand tu pousses les limites, les runes sont plus si larges, une balle part vite. Si tu nais par le bise, tu meurs par le bise. Quand tu pousses les limites, faut respecter les règles. Ça peut finir à genoux et flingue sur la tempe. Quand tu pousses les limites, les runes sont plus si larges, une balle part vite. Tu pousses les limites comme Scos qui vole une voiture. Tu pousses les limites comme ce flic après cette bavure. Tu pousses les limites comme ce contrôle qui nous torture. Tu pousses les limites. L'œil éclaté, le corps en sang, sur le sol gisant. Les seuls regards qui te narguent, ce sont tes potes d'antan. Un dernier souffle, dernier soupir de vie pour une mort sale. C'est ainsi que tout s'arrête, mec. Phase terminale, flashback. Un petit vicieux dans le bise. Tu te croyais plus malin, plus fort que la plupart de ces types. Mais on bafoue pas les règles, on n'envoie pas les boss se faire mettre. T'as pris des libertés que seule la folie peut permettre. L'excès t'a rendu dingue, soumis comme un esclave. Contraint à vouloir toujours plus, manger plus, palper grave. Et tôt ou tard, le bise te rattrape, le vice te rattrape. Tôt ou tard, l'ambition s'arrête car la mort t'attrape. T'as voulu décrocher, partir loin avec des plaques sur compte. T'échapper en scred avant qu'on te mette le compte. Mais ton passé te suit, la vie te suit, le destin te suit. Le ciel te tombe sur la tête devant ta porte de sortie. Si tu nais par le bise, tu meurs par le bise. Quand tu pousses les limites, faut respecter les règles. Ça peut finir à genoux et flingue sur la tempe. Quand tu pousses les limites, les runes sont plus si larges, une balle part vite. Si tu nais par le bise, tu meurs par le bise. Quand tu pousses les limites, faut respecter les règles. Ça peut finir à genoux et flingue sur la tempe. Quand tu pousses les limites, les runes sont plus si larges, une balle part vite. Tu pousses les limites comme ce père qui frappe sa femme et ses gosses. Tu pousses les limites comme ce gosse qui se prend pour un poste. Tu pousses les limites comme des assos séparés par la crosse. Tu pousses les limites. Pousse les limites. À faire les gambinos, les grands minots que nous sommes. Voir les jours défiler, s'additionner sans faire de somme. On prend de l'âge dans le métier, certains les prennent en gamelle. La fiole a des effets pervers sur les cervelles. Chacun sa route, comme en Russie on va vers ce qui paye. Sport de haut niveau, drogue douce ou rime à l'appel. Ce qui paye c'est l'esprit, mis derrière chaque but. Chaque but, chaque jet, chaque verset criminel. L'encre coule pour ma sentinelle, ma famille LIA. J'rappe tant que j'peux éviter cagoule et bouche cas, même s'il y a beaucoup d'occasions de faire le grand pas. J'reste honnête tant que mon flow me lâche pas. Opération charbon, faut pas que j'pousse les limites. Faut pas que j'pousse les limites. Faut que j'écoute, faut pas que j'pousse les limites. Faut que j'garde le contrôle, faut pas que j'pousse les limites. Faut que j'écoute, faut que j'garde le contrôle. Faut pas que j'pousse les limites. Faut pas pousser les limites. Si écoute, faut pas que tu pousses les limites. Faut que tu gardes le contrôle, faut pas que tu pousses les limites. Si tu nais par le bise, tu meurs par le bise. Faut pas que tu pousses les limites. Garde le contrôle, faut que la rue garde le contrôle. Yeah. Faut que le Mirail garde le contrôle. Yeah. Faut que Bellefontaine garde le contrôle. Ouais. Faut que Bagdad garde le contrôle. Yeah. Faut que la Rennerie garde le contrôle. Ouais. Faut que Toulouse garde le contrôle. Petit écoute, faut que tu gardes le contrôle.